juger, mais c'est pas juger, blood boy, juger, blood. Je me suis pas dit, je vote pas, dit je blâme. Maman, vous aimez quoi? Ma baisse est guidée, ma baisse est rêvée, et je cherche. Maman, vous aimez quoi? Ma baisse est guidée, ma baisse est rêvée, et je cherche. C'est. Soyez visible, pas soyez blanc, pas soyez blanc. Docteur, soyez bien. Pas soyez visible, pas soyez blanc, pas soyez blanc. À la valine d'Avali, à la valine d'Avali, à la valine d'Avali, à la valine d'Avali, à la valine d'Avali, à la valine. Important, look, look, I'm taking time, look, look, I'm taking time, look, look, I'm taking time.